السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، وفقنا الله وإياكم. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي هذه الزيارة لألتقي بإخوة لي في الله أعزة، كرماء من أهل سنة والجماعة، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je remercie à nouveau Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a permis de visiter mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ville et tout particulièrement dans cette mosquée, afin de rencontrer mes chers frères min ahli sunnati wal jama'a, et ce, afin qu'on se rappelle les nombreux bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Ainsi peut-être Allah tabaraka wa ta'ala nous permettra d'être des serviteurs reconnaissants, de délaisser beaucoup de nos péchés et de nous rapprocher davantage de lui. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتجالسين فيا وللمتباذرين فيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Allah le Très-Haut dit, j'ai rendu obligatoire mon amour pour ceux qui se sont aimés pour moi, pour ceux qui se visitent pour moi, pour ceux qui se rassemblent pour moi, leur a une place dans les assises pour moi, et ceux qui dépensent pour moi. Donc on espère en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à lui qu'on demande al-ikhlas, la sincérité, dans cette assise et dans cette visite fraternelle. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifati al-ula أن يجعلنا من المتحابين في جلاله. إخواني الكرام، الموضوع مهم جدا، يهم أو يهم الجميع، يهم الجميع، الرجال والنساء، الأبيض والأسود، يا يهم جميع المكلفين. Quant à notre sujet, c'est un sujet qui a la plus grande importance. C'est un sujet qui concerne l'ensemble des personnes responsables. Que ce soit une femme ou un homme, un blanc ou un noir, el ghani ou el faqir, le riche ou le pauvre, toute personne responsable est concernée par le sujet. ألا وهو أسباب تكفير الذنوب والمعاصي مكفرات الذنوب Notre sujet s'intitule « Les causes d'expiation des péchés ». Que faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, chers frères ? هذا موضوعنا. وتعلمون جميعا لا سيما في هذا المسجد وما جئت ها هنا لأعلمكم فإن هنا ولله الحمد من هو خير مني تعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا هملا لم يتركنا هملا وما أوجدنا من العدم لغير ما حكمة بل خلقنا وأمدنا ورزقنا وعلمنا لحكمة عظيمة وغاية سمية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لنفرده وحده لا شريك له كما قال ربنا عز وجل في كتاب العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال جل في علا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والآية في هذا الباب كثيرة جدا كم بلسابتوس Et je ne suis pas venu ici pour vous enseigner. Alhamdoulillah, vous avez ici des gens qui sont meilleurs que moi. Mais ça n'est qu'à titre de rappel, et le rappel est profitable aux croyants. Comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain, sans obligation à observer. Il nous a plutôt créés pour une grande sagesse et un but ayant la plus grande importance, qui n'est autre de concrétiser le monothéisme, qui n'est d'autre qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul sans associé. À cet effet, il nous dit dans le Coran des versets dont les traductions sont, et il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, voici la religion droite. Il nous dit également dans un verset dont la traduction est « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de, je ne veux pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais c'est plutôt Allah certes qui est le pourvoyeur, l'inébranlable. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un verset dont la traduction est « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. » Dans tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la sagesse pour laquelle il nous a tous créés. L'adorer seul d'un culte sincère. L'adorer seul d'un culte sincère. Voici la sagesse pour laquelle nous avons tous été créés. Voici le but pour lequel nous avons envoyé l'ensemble des messagers, révélé l'ensemble des livres. Voici la sagesse de ta présence, cher frère, ici. Fil hayat id-dunya. Et c'est pour cela que tu mourras. Et c'est pour cela que tu seras ressuscité, jugé. Et c'est pour cela que le paradis et l'enfer ont été créés. Tout cela pour la ilaha illallah. Pour voir qui est-ce qui va unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. فَمَا خُلِقْتَ إِلَّا لِطَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ Tu n'as donc été créé que pour ce but-là. Unifier Allah d'un culte sincère, l'adorer seul sans rien lui associer et lui obéir. وَلَكِنْ أَيْهَا الْإِخْوَةِ مِنْ طَبِعَةِ الْإِنسَانِ الْمَيْلِ إِلَى الْخَطَأِ والذنب فليس بمعصوم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم après tout cela nous enseigne que le serviteur est sujet à l'erreur. Il n'est pas infaillible, il est sujet au péché. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, tout fils de Adam est pécheur. Et le meilleur de ceux qui tombent dans le péché sont ceux qui se repentent. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذهبون ويستغفرون له. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait amené de nouvelles créatures qui tombent dans le péché. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ lui demande pardon à Allah. فَيَغْفِرُ لَهُمْ puis il leur pardonnerait. وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْغَفُورُ وَالْغَفَّارُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَظْهَرَ آثَارُ هذين الاسمين من غفران الذنوب والستر أو والستر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait amené des gens qui commettent des péchés, puis qui se repentent à lui et lui demandent pardon, afin qu'il leur pardonne. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Ghafour, le pardonneur. Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime voir les effets de ses noms sur ses créatures. Il aime pardonner tabaraka wa ta'ala. Et ne pense pas qu'ici on t'appelle au péché, non. Mais on t'appelle à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu tombes dans la faute. Car tu n'es pas, comme tu l'as entendu, infaillible. وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادِ وَمِنْ فَضْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْنَا وَلُطْفِهِ بِنَا أَنْ فَتَحَ عَلَيْنَا مِنْ أَبْوَابِ الْبَرَكَاتِ وَمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ. Et parmi les grandes faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, sa grande grâce, sa pitié et sa miséricorde, le fait qu'il nous ait ouvert de nombreuses portes qui mènent au pardon pour les péchés, à l'effacement des fautes, au pardon et à l'absolution des péchés. Nombreuses sont les causes par lesquels, ô serviteur d'Allah, tu peux te voir pardonner tes fautes. Que chacun fasse ses comptes, que chacun se pose la question: ai-je désobé Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour? Ai-je désobé Allah subhanahu wa ta'ala dans cette semaine, dans ce mois, dans cette année, depuis que je suis pubère? Combien de péchés avons-nous amassés? Un des pieux prédécesseurs, un jour, s'est assis et a fait ses comptes. Il avait atteint un âge qui n'était pas très avancé. Puis il a multiplié son âge en nombre de jours et en nombre d'années. Naam. En calculant le nombre de péchés qu'il aurait s'il avait commis un péché par jour. S'il avait par exemple 63 ans, il a multiplié ce nombre par le nombre de jours, en se disant: combien de péchés ai-je amassé si j'ai désobéi qu'une fois par jour à Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'il est arrivé au résultat, il a fondu en larmes et il s'est écroulé. Il a fondu en larmes et s'est écroulé et a dit ça c'est dans le cas où j'ai qu'un seul péché par jour. Il nous faut donc savoir quelles sont les causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera nos péchés. السبب الأول السبب الأول وهو أعظمها الإيمان بالله الإيمان الصحيح بالله عز وجل توحيده وإفراده بالعبادة جل وعلا. La première cause, la plus noble et la plus importante, la plus conséquente, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi authentique. Al-Iman, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. En d'autres termes, Al-Islam, le fait d'être musulman. Le fait de prononcer La ilaha illallah avec science, de l'appliquer et de s'éloigner de tout ce qui peut entacher cette parole, la diminuer ou l'annuler. Wallahu al-musta'an. Qala Allah subhanahu wa ta'ala والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى dans sourate Al-Ankabut nous dit un verset dont la traduction est: et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs péchés et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Donc, l'Iman billahi subhanahu wa ta'ala, la foi en Allah, les actions pieuses, basées sur le tawhid, par cela Allah subhanahu wa ta'ala t'efface tes péchés. Par cela Allah subhanahu wa ta'ala passe sur tes fautes. Amma al-mushrik, alladhi sawa bayna Allah subhanahu wa ta'ala wa khalqin min ibadih, hadha, الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه صرفا ولا عدلا ولا يغفر له لا في الدنيا ولا في الآخرة كما قال ربنا عز وجل في كتاب العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى nous informe de l'opposé de ces gens-là, des associateurs, de ceux qui ont donné et attribué des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il nous dit dans un verset dont la traduction est: certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il le veut. Donc le mushrik, le polythéiste, Allah ne lui pardonne pas. Allah n'accepte rien de lui. Car il a commis le pire des péchés, la pire injustice, la pire désobéissance par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fut désobéi. كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Comme Luqman dit à son fils, Luqman le sage dit à son fils: ô mon fils, n'assigne point d'associé à Allah. N'assigne point d'associé à Allah. Car certes, le polythéisme est une énorme injustice. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonne pas. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonne pas. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, Yahya ibn Sharaf al-Din a écrit un livre que vous connaissez tous et que pour beaucoup avaient mémorisé, Inch'Allah ta'ala, Al-Arba'in al-Nawawiyya. Quel est le dernier hadith de ce noble épître? L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a de la plus belle façon, agencer ce livre. Il a commencé par le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu fi sahihayn: innama al-a'malu bin niyyat. Et qui est-ce qui nous rappellera par quel hadith est-ce qu'il a fini son livre? Ce livre que nous devons lire, étudier, méditer, mémoriser, que nous devons nous rappeler. Fa'indaman, qui est-ce qui nous rappelle ce magnifique hadith qu'a choisi l'imam al-Nawawi pour finir son livre? Ce hadith qui développe l'espoir du serviteur en son Seigneur. Ce hadith qui finit par une chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa noble vie. Quel est donc ce hadith? Indaman. Fadbal akhi karim. Hadith Anas ibn Malik radiallahu anhu. Ô vous mes serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Ya ibadi. Tafaddal akhana. لو أتيتكم أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أو لو أتيتم بقراب الأرض خطايا أو بالمفرد نعم ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أو توالو فيس دو آدم الله سبحانه وتعالى t'appelle avec cette douceur. Il se fait aimer de toi et développe en toi l'espoir pour qu'il te pardonne tes péchés, pour que tu te diriges vers lui et abandonne la désobéissance. Ya ibadi لو أتيتني أو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض مغفرة. Ô fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de la terre remplie de péchés, sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrais à toi avec son étendue remplie de pardon. Akmil al-Hadith. نعم أخي. يا ابن آدم لو أتيتني هذا هو الشاهد. هذا هو الشاهد. ترك الشرك وتحقيق التوحيد أعظم أسباب غفران الذنوب وتكفير السيئات. Dans ce hadith, à thème divin, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à revenir vers lui. Et nous dit une parole dont la traduction est « Ô fils de Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre pourrait supporter, ou proche de cela, je viendrais à toi avec son étendue remplie de pardon, tant que tu ne me donnes pas d'associé. Bihada shart, bihada shart, bitarki shirki billahi al-azim. Avec cette condition, en délaissant le polythéisme. Fahdharu shirka ya ibadallah, kabirihi wa saghirihi, jaliyihi wa khafiyihi. On doit donc prendre garde au polythéisme sous toutes ses formes, le grand, le petit, l'apparent et le caché. وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَى بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِ. Et qui pourrait se sentir à l'abri après Ibrahim, le prophète عَلَيْهِ السَّلَامِ, alors qu'il a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela dans le Coran, وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Ibrahim alayhi salam nous dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran, donc selon la traduction, ô mon Seigneur, ou plutôt éloigne-moi moi. Naam, ô mon Seigneur, éloigne-moi moi ainsi que ma descendance ou mes enfants de l'adoration des idoles, du shirk évident. Ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Donc voici la première cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Donc ne vous étonnez pas si vos enseignants insistent sur l'étude du tawhid, la mémorisation, l'apprentissage, la révision, et vous rappellent cela sans cesse. C'est par miséricorde et pitié pour vous. Car avec cela, vous obtiendrez le pardon pour vos péchés. Avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala vous sauvera de l'éternité en enfer. Inch'Allah ta'ala, ghafarallahu lana wa lakum. السبب الثاني التوبة والاستغفار. La deuxième cause qu'on se rappelle ici, chers frères, c'est le repentir et la demande de pardon. Le fait de demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'implorer, de l'invoquer, de le supplier afin qu'il nous efface nos fautes, qu'il nous pardonne nos péchés. وهو التواب الرحيم. Et c'est lui, le grand pardonneur, l'accueillant au repentir. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dans le Coran, Allah سبحانه وتعالى nous dit une parole dont la traduction est: et celui qui commet une faute ou se comporte injustement envers sa personne, puis demande pardon à Allah, le trouvera certes pardonneur et miséricordieux. Quelle que soit la faute, quelle que soit la faute, لِأَنَّ فِي هَذِي الْآيَةِ سُوءًا نَكِرَةً فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَيَعُمْ فَيَعُمْ جَمِعَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au repentir. Et nous dit une parole dont la traduction est: quiconque. Donc dans cela, ça englobe les acteurs. Ça englobe l'homme et la femme, le riche, le pauvre, le blanc, le noir. Ça englobe l'ensemble des gens. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا. Quiconque fait une mauvaise chose. Nous n'avons pas dit quiconque commet tel péché ou tel péché, afin que ça englobe l'ensemble des péchés. Nous n'avons pas dit quiconque profère un mensonge, quiconque fait couler le sang, quiconque vole, non. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا. Et dans ce verset, سُوءًا a été cité de manière indéterminée, dans une phrase dont la syntaxe est à la forme, est au conditionnel. Est au conditionnel. Et dans l'éloquence arabe, cela nous indique la généralité du péché. Donc, quiconque commet un péché, quel qu'il soit, voici le sens du verset, quel qu'il soit, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ, puis, après cela, demande pardon à Allah. Il ne tarde pas, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle sera la rétribution, chers frères? Quel sera le résultat? Que promet Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui ne manque jamais à sa promesse? Yajidillaha ghafouran rahim. Il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit de désobéir, de lui désobéir. Puis, si tu le fais malgré tout, il t'interdit de désespérer de sa miséricorde. Allahu Akbar. Il t'interdit de désespérer de sa miséricorde. Et il a fait de cela un des grands péchés. Désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est un grand péché, comme dans le hadith d'Ibn Abbas. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite tous à revenir vers lui et à lui demander pardon pour nos péchés. وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِ في أشرف أحاديث أهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جث على ركبتيه. أنبئوني ما هو. Et dans le hadith le plus noble des gens de Sham, la région qui se trouve vers la Syrie, au point où lorsque Abu Idris al-Khawlani, celui qui rapporte ce hadith de Abu Dharr, lorsqu'il voulait citer ce hadith, il tombait sur ses genoux. Il tombait sur ses genoux devant la lourdeur de ce que contient ce hadith. Informez-moi de quel hadith s'agit-il. Naam. Hadith Abi Dharr. Ya ibadi. قبل ذلك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. الله أكبر. Dans le plus noble hadith de Ahl al-Sham, des gens du Sham, au point où Abu Idris al-Khawlani, lorsqu'il voulait le citer, il tombait à genoux. Dans ce hadith Qudusi à thème divin, Allah nous dit une parole dont la traduction est « Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et l'ai rendue entre vous interdite. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. » Wa shahiduna min al-hadith. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. La partie du hadith qui est en rapport avec notre sujet est la parole dont la traduction est « Ô vous mes serviteurs, vous commettez des fautes de jour comme de nuit. Et je suis celui qui pardonne l'ensemble des fautes. Demandez-moi donc de vous pardonner et je vous pardonnerai. » Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé à partir de rien. Il t'a commandé de l'unifier et de lui obéir. Malgré cela, nous lui désobéissons de jour comme de nuit. Et il ne nous châtie pas directement pour nos péchés, mais il nous laisse du temps. Et nous facilite les causes du repentir et du pardon. Au point dans ce hadith, de nous appeler, de nous inviter, alors qu'il n'a pas besoin de nous. Et nous, on s'éloigne de lui, alors qu'on ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et il nous dit, de la plus belle manière, une parole dont la traduction est vous commettez des fautes de jour comme de nuit et je suis celui qui pardonne l'ensemble des fautes, demandez-moi donc de vous pardonner et je vous pardonnerai. Rawahu Muslim. Awa yasma'u 'abdun yu'minu billahi wal yawmil akhir kalam Allah subhanahu wa ta'ala mawlahu wa khaliqu وخالقه ثم لا يستغفر الله. Est-ce qu'un serviteur qui croit en Allah et au jour dernier entendra la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur et son Créateur, celui vers lequel il sera ramené yom al-qiyama pour être jugé, celui qui détient tout le bien dans la main, le seul qui peut te sauver de l'enfer, le seul qui peut te faire entrer au paradis, est-ce qu'on entend sa parole puis on ne revient pas vers lui, puis on ne lui demande pas pardon pour nos fautes? Wala hawla wala quwwata illa billah. La troisième cause, taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Imtithalu al-ma'mur wa tarki al-manhi. At-taqwa vient du mot al-wiqaya. Il veut dire se prémunir d'une chose dont tu crains la nuisance. Ça, c'est dans le sens linguistique. Et être taqwa dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire ce qu'il t'a commandé et de délaisser sa désobéissance. Et une des meilleures définitions qui a été citée, si ce n'est la meilleure, comme le disent les savants, et la définition, si je ne me trompe pas, de Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il nous dit أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وأن تجتنب معصيته على نور من الله تخاف عقابه أو خوفا من عذابه أو عقابه. Talq ibn Habib, un des plus prédécesseurs, rahimahullah ta'ala, nous dit: At-taqwa, c'est le fait d'agir selon une lumière émanant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Tu lui obéis en espérant sa récompense. Aussi, tu délaisses la désobéissance avec une lumière émanant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en craignant son châtiment. Voici le sens de At-taqwa. Tu fais ce qu'Allah t'a ordonné et tu délaisses le péché. Tu délaisses sa désobéissance. Avec At-taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tes péchés. Il nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu dhul fadl al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Anfal nous dit: Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Il vous pardonnera vos péchés et vous effacera vos fautes. Et certes, Allah est celui qui détient l'énorme grâce. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, si vous vous dotez de la piété, on vous pardonnera, ou bien Allah vous accordera le discernement. Vous pardonnera vos péchés. Naam. Effacera vos fautes et vous pardonnera. Et certes, Allah est celui qui a la grande grâce. Donc celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et agit en fonction de cela se verra pardonner ses fautes. Celui qui ressent qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille, alors lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'invite à l'obéissance, il le trouve où il veut le voir. Celui qui, lorsqu'Allah azza wa jalla lui interdit une chose, il la fuit comme il fuirait un lion qu'il rencontrera à l'extérieur. Celui-là est celui qui trouvera le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième point, ijtinabul kaba'ir, le fait de s'éloigner des grands péchés. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, in tajtanibu kaba'ir ma tunhawna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole dont la traduction est: si vous vous éloignez des grands péchés qu'on vous a interdits, alors on vous effacera vos fautes et on vous fera entrer dans de nobles demeures. C'est-à-dire, si vous vous éloignez des grands péchés, malgré le fait de commettre certains petits péchés, on vous effacera vos fautes, c'est-à-dire vos péchés, et on vous fera entrer dans une noble demeure. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, as-salawatul khams. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, وهذا الحديث أخرجه مسلم, ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, les cinq prières, c'est-à-dire du fajr jusqu'au dhahr, ce que tu as fait entre les deux, du dhahr jusqu'au asr, ce que tu as fait entre les deux, et ainsi de suite, wal jumu'atu ila jumu'ah, et du vendredi jusqu'à l'autre vendredi, wa ramadhanu ila ramadhana, et du ramadhan jusqu'au ramadhan de l'année suivante, kaffaratun lima baynahun idha tunibat al kaba'ir. Tout cela sera une cause d'absolution des péchés, à condition que le serviteur s'éloigne des grands péchés. C'est-à-dire, celui qui s'éloigne des grands péchés, d'une prière à l'autre, Allah lui effacera ses petits péchés. Vous avez prié le vendredi, la salat du vendredi hier, jusqu'à la semaine prochaine, tout ce qui sera fait, incha'Allah ta'ala, Allah vous l'effacera. Vous avez jeûné le mois de Ramadan, ou bien le mois de Ramadan est venu l'année dernière, et voici que nous sommes aux portes du mois de Ramadan. À venir, incha'Allah ta'ala, dans tous les péchés qui ont été faits entre les deux durant cette année seront effacés par Allah Azza wa Jal. À quelle condition? À condition que le serviteur se soit éloigné des grands péchés. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. السبب الخامس ذكر الله سبحانه وتعالى. La cinquième cause, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de le mentionner avec son cœur, avec sa langue et avec ses membres. في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين بصفات خاصة. فقال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى dans سورة الأحزاب a fait l'éloge de certains de ses serviteurs pieux, de certains de ses serviteurs qu'il a préférés, qu'il a honorés, en disant, certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, jusqu'à arriver au passage où il nous dit, et une parole dont la traduction est, ceux et celles qui invoquent Allah avec abondance. À cela, Allah leur a préparé une énorme récompense et un pardon. À cela, Allah leur a préparé un pardon pour leurs péchés et une énorme récompense. Donc le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala est une cause pour qu'il te pardonne tes péchés. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit من قال سبحان الله وبحمده في اليوم, celui qui dit dans la journée, ou bien celui qui dit 100 fois par jour Subhanallah wa bihamdi, il se verra pardonner l'ensemble des péchés. Furent-ils semblables à l'écume de la mer? C'est-à-dire tout ce qui est sur la mer, tout ce que l'on voit et qu'on ne voit pas, que porte la mer. Celui qui dit 100 fois cela, et c'est un dhikr qui est donc légiféré. Naam, tu dis 100 fois par jour Subhanallah wa bihamdi, ça te prend quelques minutes. Et pour cela, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il t'efface tes péchés. Mais le dhikr, pour qu'il soit pleinement profitable, comme l'a expliqué l'allamat ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il te faut comprendre ce sens. Subhanallah et alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Que signifient ces paroles que prononçait très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous faut ne pas prononcer les adhkar. Naam. Comme on prononce des autres paroles. Lorsqu'on prononce quelque chose que disait le prophète sallam, on doit le comprendre, on doit vivre avec, on doit savoir le sens, on doit connaître le sens, et ne pas prononcer cela comme on prononce une autre parole. Et le shir Sulayman al-Rahili, Havidahullahu ta'ala, un savant de Médine, dit que l'ignorance du sens de la révélation est une des grandes causes qui a poussé la communauté à arriver où elle est arrivée. Allah al-Musta'an. Donc qui est-ce qui va nous rappeler et nous enseigner le sens de cette parole-là? Subhanallah wa bihamdi. Le sens de Subhanallah et de Alhamdulillah. Et le fait d'avoir joint Mada al-Tasbih avec al-Tahmid. Hada la buddha an yakuna ma'louman ladaykum jami'an. Ladayna jami'an. Cette parole-là, nous devons tous la comprendre. Elle vient dans beaucoup de nos adorations. Ici, je le répète, je ne suis pas venu pour vous enseigner. Naam, vous avez ici, wallahalhamd, des gens qui sont bien plus compétents que moi et bien plus pieux que moi. Nahsabuhum kadhalik, wallahu hasibuhum. Mais on se rappelle ici, on est entre frères, on se fait un rappel. On se rappelle mutuellement. Faman yufiduna wa yadhkiruna. Barakallahu fikum. Tafaddal akhana. التسبيح معناه تنزيه الله عن جميع النقائص والعيوب جزاك الله خيرا وما أشبهك من شيخي ومعلمي فهد رحمه الله تعالى. عجيب. سبحان الله. C'est étonnant comment est-ce que tu ressembles à un de nos enseignants que nous venons de perdre, rahimahullahu ta'ala. Donc, comme l'a dit notre cher frère, hafidahullahu ta'ala, le sens de subhanallah est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. De toute imperfection et de tout défaut. Lorsque tu dis subhanallah, ça veut dire, ya Allah, j'affirme et je proclame que tu n'as aucun défaut. Tu es exempté de toute faute, de toute imperfection qu'auraient pu dire et t'attribuer les injustes et les ignorants. C'est pour cela, chers frères, que vous remarquerez que dans le Coran, souvent lorsqu'on cite une mauvaise parole attribuée à Allah Azza wa Jal de la part des associateurs et des injustes, on trouve juste après quelle parole ? Subhana. Par exemple, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Ensuite, Subhana. Naam. Ou bien, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Exemptez Allah. Exemptez soit Allah de ceux qui lui associent. Ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant. Exemptez soit-il. Wadah. Ça, c'est le sens de Subhanallah. Ya Allah, tu es exempté de toute faute, de toute imperfection. Et ensuite, wa bihamdi. Ithbatu al-mahamid lillah. Wa ma ma'ana al-mahamid. نعم له الأسماء الحسنى وصفات العلى من يكون أدق من ذلك وقد أصاب لكن الدقة مطلوبة في هذا الباب تفضل أخي أعد من جديد لو سمحت له صفات الكمال طيب من يكون لنا جملة شاملة للمقصود عند غيركما تفضل أخانا الكريم Ce sont les éloges faites avec amour. Ce sont les éloges faites avec amour. Tu es proche de la réponse complète si seulement cela avait été prononcé dans la plus belle des langues et la plus éloquente. Naam. وصف المحمود بالكمال والتعظيم عند من الثناء الحمد والثناء على الله لقد فرق الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين الحمد والثناء نعم فقال إذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى عليه عبدي فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فهذا دليل على أن الحمد ليس هو الثناء بل الثناء هو الحمد إذا تكرر بارك الله فيك donc c'est très proche de ce qu'a dit notre frère il manque juste deux mots dans la définition qu'a cité Ibn Uthaymeen. Idhan al-hamd huwa wasfu al-mahmoud bil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim. Wasfu al-mahmoud bil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim. Man yu'id alayna al-ta'rif. Ma huwa al-hamd 'inda man? وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم الحمد après avoir su ce qu'était التسبيح سبحان الله le fait de dire qu'Allah est exempté de toute imperfection et de tout défaut ben avec الحمد tu affirmes la perfection du contraire tu dis donc الحمد c'est quoi sa définition quelle est sa définition c'est le fait de proclamer نعم C'est le fait d'affirmer à celui duquel tu parles la perfection absolue. Et cela, le cœur rempli d'amour et d'immensification. C'est le fait d'affirmer la perfection absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu fais cela, tu le fais avec amour et profond respect. Ça, c'est le sens du hamd. Quelle est donc la sagesse d'avoir joint al-hamd ou bien al-hamd na'am au tasbih? Ma huwa al-tawhid? Al-tawhid yatakawwan bi na'am bi juz'ayn. Ma huma? Al-nafi wal-ithbat. Wa hakadha al-tawhid fi al-asma'i was-sifat. Na'am. Tawhid Allah fi asma'ihi wa sifatihi. C'est une négation et une affirmation. La négation de quoi? La négation de toutes les imperfections. Et l'affirmation de quoi? De la perfection absolue qu'il s'est affirmé à lui-même ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici le sens de subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Et Cheikh Abdurazak al-Badr, hafidahullah ta'ala, a expliqué le livre Al-Kalim al-Tayyib d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il est présent dans son site. Il est présent dans son site. Et pour ceux qui ne sont pas arabophones, le frère Sadak Abu Yahya fait l'explication d'un livre de Adkar. Je vous invite à l'écouter sur le site La Voix Droite. Poursuivons les causes du pardon des péchés. Donc le dhikr, subhanallah wa bihamdi 100 fois par jour. Aussi le fait de dire La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Celui qui dit 100 fois cela par jour, on lui inscrit 100 hasanat, on lui efface 100 péchés. Na'am, on lui efface 100 péchés et personne ne viendra ce jour-là avec une meilleure action que lui, sauf celui qui aura fait meilleur. Na'am, sauf celui qui aura fait meilleur que cela. Ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. Parmi les plus grandes causes pour l'expiation des péchés, chers frères, il y a التمسك بالسنة التمسك بالسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع. Parmi les plus grandes causes, et c'est ici la sixième, le fait de suivre la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et de se défaire de toute innovation religieuse. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un verset dont la traduction est dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre la sunnah, de s'y tenir, de s'éloigner de l'innovation et donc aussi des innovateurs, ceci est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Donc, lorsque les gens disent, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de tawhid? On a vu aujourd'hui pourquoi. Et maintenant, lorsqu'ils diront pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours de sunnah, pourquoi est-ce qu'ils mettent toujours en garde contre le bid'ah? Parce qu'on veut qu'Allah nous pardonne nos péchés. On veut qu'Allah nous aime. On veut être ressuscité avec celui que nous avons aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal mar'u ma'a man ahab. Et le serviteur sera yawm al-qiyamah. Et plus encore, avec ceux qu'il a aimés. La septième cause, al-wudu. Al-tahara, al-wudu, al-ma'aruf. Al-wudu, le fait de faire tout simplement ses ablutions. Cette action très simple, sachez qu'elle est grandement bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal, il y a mis beaucoup de bien. Tu fais al-wudu, na'am, à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde énormément de bien. Et il nous suffit de savoir que c'est la clé de la prière pour connaître son importance. Mais ajoutez à cela, chers frères, hafidhakumullahu ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré de nombreux bienfaits. Parmi ces bienfaits, anna Uthmana radiallahu anhu tawadda'a yawman thumma salla rak'atayn. Un jour, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, le troisième calife, a fait al-wudu. Puis a fait deux unités de prière. Et à la fin, il a dit à ceux qui étaient en sa présence, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qu'a rapporté l'imam Muslim, il n'y a pas, donc il a fait le wudu, ensuite il a fait deux raka'a. Puis il a dit, celui qui fait ses ablutions de la même façon que je viens de les faire. Puis qui fait deux unités de prière sans être distrait dans celle-ci, se verra pardonner l'ensemble de ses fautes passées. Se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Alors Uthman, pour parfaitement transmettre cette science, il a fait le wudu, comme le faisait le prophète Arsène. Puis il a fait deux raka'a, comme priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a transmis cette parole comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, subhanallah, le yani, la transcription, la transmission parfaite du sixième point que nous venons de voir, qui n'est autre que l'ittiba, le suivi. Le suivi même dans la parole, même dans l'action, et même dans la façon de transmettre la science de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Au point, certains parmi les sahabes, lorsqu'ils voulaient donner, transmettre un hadith, ils souriaient. Ensuite, ils donnaient le hadith. Puis ils demandaient aux autres, savez-vous pourquoi j'ai souri? On leur disait, non, pourquoi? Ils disaient, parce que le prophète sallam un jour était en notre compagnie, il a souri, puis il a dit le hadith, alors j'ai souri. Allahu Akbar. Jusqu'au sourire. Et il se peut que tu croises ton frère, na'am, et que tu n'obtiennes de lui qu'un visage sévère. Na'am, qu'un visage sévère. Alors peut-être qu'il connaît le hadith. Na'am. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Na'am, il y a dans le fait de rencontrer son frère avec un visage détendu une sadaqa. Na'am, une sadaqa. Tu fais un sourire à ton frère, c'est une sadaqa. Na'am. Que dire alors de sourire à ses parents, à sa famille, à ses enfants? والله المستعان الله يحسن أخلاقنا. معاوية رضي الله عنه un jour a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son qamis. Naam. Et son qamis, il le portait de cette façon là, c'est à dire que ce bouton là, ces boutons là n'étaient pas fermés. Alors on n'a plus jamais vu معاوية رضي الله عنه, que ce soit en été ou en hiver, si ce n'est avec les boutons ouverts. Si ce n'est avec les boutons ouverts. Et un dernier exemple pour illustrer cela, Abdullah ibn Omar, lorsqu'il revenait de voyage à Mecca, na'am, il s'arrêtait à un endroit précis. Il arrêtait sa chamelle et il s'éloignait. Et un jour, alors qu'il était avec Nafi'a, rahimahullah ta'ala, il s'est arrêté, il s'est éloigné. Puis il est revenu. Un homme a dit, j'ai cru qu'il voulait faire la prière. Alors Nafi' lui a dit non. Il lui a dit, Abdullah ibn Omar un jour est passé par cet endroit-là en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à cet endroit-là et est parti uriner dans cet endroit. Alors Abdullah ibn Omar, à chaque fois qu'il revient de voyage, il aime faire cela. Subhanallah, jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau-là. Où sont ceux qui disent, ils exagèrent, ils mettent le qamis. Ils exagèrent, ils mettent le Qulan Suwa, la Shishiya ou la Taqiyya. Ils exagèrent, ils laissent pousser leur barbe, ça c'est wajib. Et ainsi de suite, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on va dire des Sahaba si nous, faibles que nous sommes, nous exagérons? Bel, innakum la antumul muqassirun. C'est plutôt vous. Et nous entrons également dans cela. C'est plutôt vous qui avez des imperfections. Donc, ittiba'u Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amrun matloub. Amrun matloub wa wajib. في بعض الأمور ومندوب في بعض الأمور الأخرى. الوضوء fait donc partie des causes pour se voir pardonner les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: من توضى فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui fait الوضوء de la يعني celui qui parfait الوضوء ou bien qui fait les ablutions convenablement, ses péchés sortiront de son corps. Lorsqu'il fera le wudu, il fera passer l'eau sur ses membres, ses péchés sortiront de son corps. Au point de sortir de sous ses ongles. Subhanallah. Ma akram Allah, subhanahu wa ta'ala. Oh combien est généreux Allah tabaraka wa ta'ala avec nous. Combien il nous facilite les causes pour qu'on se voie pardonner nos péchés. On lui désobéit, il nous appelle vers lui. On lui désobéit, il nous ouvre d'autres portes de la miséricorde. Allah al-musta'an. As-sallahu yaltufa bina. La huitième cause, as-salah, la prière. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qimi salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dans Sourate Hud, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un verset dont la traduction est: accomplis la prière aux deux extrémités du jour et de la nuit. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Il y a dans cela un rappel pour ceux qui se rappellent. Donc, la prière est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la, la yabqa min daranihi shay. Qala fa dhalika mithlu salawati al-khams yamhu Allah bihinna al-khataya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: informez-moi, ou bien voyez-vous, s'il y avait un fleuve qui coulait devant la porte de chacun d'entre vous, dans lequel il se lavait, ou il se laverait 5 fois par jour, est-ce qu'il resterait sur lui de la saleté, ou une quelconque souillure? Les compagnons ont dit non au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ben pareillement pour les 5 prières. Ben c'est la même chose pour les 5 prières. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'Allah efface les péchés. Donc lorsque tu pries, Allah azza wa jal te pardonne. Et dans le hadith que nous avons précédemment cité, salawatul khams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: ne vais-je pas vous informer de ce par quoi Allah efface les fautes et élève en degré? Ils ont dit: certes au message d'Allah. Il a répondu: isbar al-wudu, le fait de parfaire les ablutions. Ala al-makari, malgré la difficulté. Wa kathrat al-khuta ila al-masajid, et le fait de multiplier les pas vers les mosquées. Wa intidhar as-salati ba'da as-salah, et le fait d'attendre la prière avant la prière. À l'image de l'un d'entre vous qui est venu pour prier la salat du dhuhr. Ensuite, il patiente pour attendre le asr. Que ce soit en lisant le Coran, que ce soit en écoutant une conférence, que ce soit. Naam. Ou que ce soit en attendant tout simplement. Bah Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés et l'élève de degré. Il l'élève en degré. Fadhalikum ar-ribat. Puis c'est cela qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rawahu Muslim. Une cause, yani la suivante, la 9e. Naam, ou plutôt la 10e, c'est le fait d'attendre la prière après l'autre prière. Naam, et de multiplier les pas vers la mosquée. Le fait de multiplier les pas vers la mosquée et d'attendre la prière après l'autre. D'attendre une prière après l'autre. La cause suivante, la 11e, est une cause, yani al-sababul hadiyata ashr, sababun نتعجب منه. لكن من عرف الله لا يتعجب، لأن الله كريم غني شكور سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. Celui qui entend cette cause s'étonne énormément. Mais par la suite, il se rappelle qu'Allah, c'est le généreux. Qu'Allah, c'est le riche et celui qui donne avec largesse. Alors cet étonnement se dissipe. Savez-vous quelle est cette cause, chers frères ? Al-ta'min ba'da qawli l'imam fi khatimati al-fatiha. Amin. Le fait de dire Amin après que l'imam ait récité Al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا أمن الإمام أي بعد تلا ماذا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'imam dit Amin, c'est-à-dire après avoir récité le Fatiha, dites vous aussi Amin. Car certes, celui dont cette parole tombera en concordance avec celle des anges se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. As'alukum, hal yujad ashala min dhalik? Je vous pose la question, est-ce qu'il y a plus facile que cette action? Si ce n'est pour Al-Asam, si ce n'est pour celui qui est Mada, muet, Naam, ou plutôt Al-Asam, c'est le sourd. Voyez. Mada, la personne prie derrière l'imam. L'imam récite Al-Fatiha. Il récite avec lui s'il voit cet avis, ou bien il écoute la Fatiha, puis récite ensuite s'il voit cet avis, cet autre avis. Quand l'imam dit Amin, il dit Amin. Les savants disent que lorsqu'il commence à dire A, lui aussi poursuit avec lui. Comme l'a dit l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, alors qu'auparavant il disait, il finit, puis tu dis cela, après lui. Donc il dit A, et toi tu poursuis avec lui. Amin, et tu élèves ta voix comme c'est la sunna. Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés passés. Na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même informé qu'Ahlul Kitab yahsudunana ala ta'amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les gens du livre sont jaloux de nous. Et ils nous envient pour cela. Pour cette parole-là, Amin, qui nous a été légiférée dans notre religion. Falhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré cela. Tu pries derrière l'imam, il dit Amin à la fin de la Fatiha. Tu dis Amin avec lui. Cette parole tombe en concordance avec les anges, il te pardonne tes péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Cheikhuna, Cheikh Wasiullah Abbas, qassa alayna qissatan ma'a Cheikhi, Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, al-Maghribi, al-Alim, al-Kabir, rahimahullahu ta'ala. Al-Sheikh Wasiullah Abbas Hamidahullahu Ta'ala nous a raconté une histoire qui s'est déroulée avec son cheikh, le grand savant marocain Cheikh Taqiyuddin al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Il a prié un jour dans une mosquée après son retour de voyage dans les pays, Naam, vers l'Inde et ainsi de suite. Et à la fin de la prière, il a dit à voix haute, Amin, comme c'est la sunna, d'élever la voix. Mais les gens derrière, soit ils n'ont pas dit Amin pour certains d'entre eux, soit ils ont dit Amin. Comme on entend dans certains masajids, Amin, timidement. Sahih. Après, dans la prière du devoir, je n'ai pas entendu Ta'amin, mais c'est une prière à voix basse. Falalou ma alaykoum, donc nul reproche à vous. Naam. Sananzur fi salatil maghrib, inja'Allahu al-isha. Tayyib. À la fin de la prière, il s'est retourné vers eux. Et il leur a dit, Usalli bi amwat aw madha? Il les a disputés. Il leur a dit, est-ce que j'ai présidé la prière devant des morts ou quoi? Naam. Est-ce que j'ai présidé la prière devant des morts ou quoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pratiqué cette sunna comme il convenait de le faire. Et Cheikh Taqiyyuddin al-Hilali, depuis le jour où Allah lui a montré la sunna, car auparavant il était dans le soufisme, dans le Tijaniya. Naam. Comme vous pouvez lire dans l'un de ses livres, Arad al-Tijaniya, Sufiya Dalla. Naam. Donc il aimait cette sunna. لأنه كان صاحب سنة. Il aimait cette sunna. Car c'était un des adeptes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme cela. Celui qui sort d'un égarement et qui trouve la guidée, et en général il se cramponne mieux. Et en général il se cramponne mieux, comme l'était Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et bien d'autres parmi les sahaba. Donc le fait de dire Amin. Wa fil hadith al-thani, Salatul Jumu'ah, la douzième cause, Salatul Jumu'ah. Ma min muslimin yagtasilu fayatil Jumu'ah, wa yusallima kutiba lah, thumma yansitu lil khutbah, thumma yusallima al imam illa ghafara Allahu lahu ma bayna al Jumu'ati ila al Jumu'ah, ma bayna al Jumu'ah ila al Jumu'ati al ukhra, wa ziyadati thalathati ayyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc la deuxième cause, c'est la prière du Jumu'ah. Il n'y a pas un musulman qui se lave, puis se rend à la prière du vendredi. Prie ce qu'Allah lui a écrit. Dire parmi la sunna, lorsque tu viens le vendredi, tu viens tôt et tu pries des prières surrogatoires. Jusqu'à la venue de l'imam. Puis, il se tait pour écouter le prêche du vendredi. Et prie ensuite avec l'imam, sans qu'Allah ne lui pardonne ses péchés de ce vendredi jusqu'au vendredi prochain. En lui ajoutant à cela 3 jours. En lui ajoutant à cela 3 jours. Subhanallah. On te pardonne tes péchés de la semaine et Allah Azza wa Jal t'ajoute à cela 3 jours. La 13e cause, Siyam Ramadan wa Qiyami. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akhraj al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurayra wa hakadha al-Qiyam. Donc le fait de jeûner le mois de Ramadan et de prier ses nuits. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, dont la traduction est « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, c'est-à-dire quant à son caractère légiféré, et espoir, c'est-à-dire la récompense auprès d'Allah, se verra pardonner ses péchés passés. » Il a dit la même chose pour celui qui prie les nuits na'am de Ramadan, salatu tarawih. Al-Hajj wal-Umrah, la quatorzième cause, Al-Hajj wal-Umrah. Les hadiths ibn Abbas, radiallahu anhu, tabi'u bain al-Hajj wal-Umrah. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه النسائي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites suivre le pèlerinage de la Umrah. Faites suivre le pèlerinage de la Umrah. Naam, du petit pèlerinage. Car cela repousse la pauvreté. Naam, et les péchés. Et efface les péchés. Tout comme le soufflet élimine les impuretés du fer. Le soufflet, c'est ce qu'utilise Naam, le forgeron, pour purifier Naam, la matière. Pour purifier la matière et obtenir que la partie la plus pure Naam, est la meilleure de ce métal. Donc, ô toi qui cherches la richesse. Naam. Tout le monde aime l'argent. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Et les gens courent à la recherche de l'argent en désobéissant Allah Azza wa Jalla. Lui, il travaille dans le porc et l'alcool. Tu lui dis, Ya akhi, taqillah. Il dit, je dois nourrir mes enfants. Je dois m'occuper de telle chose. Naam. Et il cite toutes sortes d'expressions. Allahu Ghafur Rahim, Allah Ghalib, kada wa kada wa kada. Kaita wa kaita. Il n'a pas su had al-miskin, que ces choses-là ne sont que des causes de pauvreté en réalité. Naam, et qui enlève la baraka de son argent. Naam, wal ghina ghina an-nafs, comme la kulli shay. Mais tu veux repousser de toi la pauvreté, i'tamir. I'tamir, fais la umrah, puis fais le hajj, puis fais la umrah. Puis 5 ans après, fais le hajj. Naam, wa hakadha. 5 ans après, car il y a une règle qui ne permet pas de faire le hajj. À plusieurs reprises sans espacer cela de 5 années. sauf pour celui qui est accompagnateur et sauf cas particulier. Et l'un d'entre vous pourrait se dire dans son calme, mais il y a des manières d'éviter cela et de faire cela. Nahnu ahli sunnah nara wujub ta'ati wulati l'umur. Mais nous, ahli sunnah, nous avons comme croyance et comme conviction que c'est une obligation d'obéir au gouverneur musulman. Hafidahumullah. La cause suivante est sadaqa, la quinzième cause. La quinzième cause est sadaqa. Comme dans le hadith de Tirmidhi, le hadith de Mu'ad, « Ala dullukum ala abwab il-khayr »« Na'am, ne vais-je pas vous informer des portes du bien ?» Parmi ce qu'il a cité, le Prophète sallam a dit « As-sadaqa, tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u al-nara » Parmi les portes du bien, l'aumône. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. La 16e cause, « Kazmul ghayd » le fait de se contenir lorsque tu es en colère. Tu te retiens. Il y a une dispute, il y a un problème, quelqu'un t'a opprimé, tu te contiens. Tu ne déverses pas sur lui sa colère. Tu ne déverses pas sur elle ta colère. Tu te maîtrises, tu te contiens. Na'am. Ça, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Tu pardonnes aux gens. C'est aussi une cause pour qu'Allah azza wa jal te pardonne tes péchés. Qala subhanahu wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-sama'. Et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur. Et un paradis, arduha as-samawat wal ard, dont la largeur est semblable à l'espace des cieux et de la terre, ou iddat lil-muttaqin, qui a été préparé pour les gens pieux. Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et la difficulté. Wal-kadhimin al-ghayd, hadha ash-shahid. Wal-kadhimin al-ghayd wal-'afina 'anil-nas, wallahu yuhibbu al-muhsinin. Ceux qui se contiennent, ils se retiennent lorsqu'ils sont en colère, et ils pardonnent à autrui. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Donc tu veux qu'Allah te pardonne tes péchés et te fasse entrer au paradis? Tu veux entrer dans la piété? Tu te contiens, tu te maîtrises, tu gères ta colère. Et tu excuses ceux qui t'ont opprimé. Bil jumla, il l'a fait étancer. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le point numéro 17, as-sabr, la patience. Alladhina sabaru wa amilu salihat, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui ont enduré, accompli des actions pieuses, à ceux-là, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. 18e, l'ibtila wal masa'ib, les épreuves et les malheurs. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma yusibu al-abdu min nasabin wala wasab, wala hammin, wala hazan. وَلَا أَذَنْ حَتَّى شَوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا خَطَايَا خَطَايَا وَرَوَى الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ. Le prophète sallam nous enseigne qu'il n'y a pas un mal qui te touche, ni une peine, ni une tristesse, ni même une épine qui te pique, sans que par cela Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne des péchés. L'avant-dernière cause est du'a. Le fait que les enfants invoquent en faveur de leurs parents et qu'ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal pour eux. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha mata ibn adam inqata 'amalu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent sauf trois choses. Parmi les trois choses, un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Yawm al-qiyamah, certains parents seront élevés en degré au paradis. Ils vont dire, « Ya Allah, pourquoi est-ce qu'on nous a accordé cela ?» Ils diront, on leur dira, « L'istighfari waladikuma » Car votre enfant a invoqué Allah Azza wa Jal afin qu'il vous pardonne après votre mort. La 20e chose, la 20e et dernière chose. Je n'ai pas l'éloquence suffisante pour vous la transcrire comme elle mérite d'être faite. Mais je dirais simplement Rahmatu arhamir rahim, la miséricorde du tout du plus miséricordieux. Li ghayri ma sabab, sans aucune participation de ta part. C'est juste une miséricorde de la part d'Allah sur ta personne. C'est juste une grâce qu'Allah t'accorde à toi. Allah subhanahu wa ta'ala décide de te pardonner tes péchés. Voici le 20e point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne sans que tu fasses quoi que ce soit. Et on peut ajouter beaucoup d'autres points comme être bard, madha, la pression que subit le serviteur dans la tombe. Il y a encore beaucoup d'autres points, mais madha, cela serait lourd pour nous à supporter et difficile de nous concentrer. Donc on s'arrête ici. Le fait donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs. Tout cela pour dire quoi, chers frères ? Alayna an nastakthira min al-hasanat wa an natruka sayyi'at wa an nuqawwiya madha silatana bi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa an na'mala bi asbabi ghufrani adh-dhunub. Il nous faut donc faire beaucoup de bonnes actions, délaisser nos péchés, emprunter les chemins qui mènent au pardon des péchés et espérer grandement chez Allah subhanahu wa ta'ala la récompense et le pardon pour tout cela. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل وعلا الرحمن الرحيم والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك التقى والعفو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص ونعوذ بك من الشرك والبدع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم